Toujours à la même occasion, le dirigeant suprême Kim Jong-un a reçu des cartes de Nouvel An de la part des chefs d'État et des partis politiques et des personnalités de divers pays. Les destinataires sont le président russe, le président chinois, le président laotien, le président mongol, le président syrien, le président arménien, le président vietnamien, le président sud-africain, le premier ministre bangladais, le secrétaire général du comité central du Parti communiste vietnamien, le secrétaire permanent du secrétariat et membre du bureau politique du comité central du Parti communiste vietnamien, le président du Parti russe de la justice, le président du comité central du Parti communiste de Bohême-Moravie de Tchèque, le secrétaire national du Parti travailleur socialiste des États-Unis, le directeur général de l'UNESCO, le directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le préfet du territoire maritime de Khabarovsk de Russie et le maire de Khabarovsk.